Science Chrono, Antoine Beauchamp. En 1959, deux médecins français proposaient le concept de coma dépassé, un degré de coma dans lequel un patient présente de manière irréversible une absence d'activité cérébrale. 10 ans plus tard, ce concept évoluait pour devenir celui de mort cérébrale, ouvrant la porte à l'une des plus grandes questions en matière de bioéthique, où se situe la frontière entre la vie et la mort, et plus globalement, comment peut-on définir la mort ? Science Chrono revient sur cette redéfinition de la mort qui a permis, comme on va le voir aujourd'hui, de sauver de très nombreuses vies. Milena Malio, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorante à l'Institut de la Personne en médecine de l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous expliquer comment on a pu établir que la persistance d'un battement cardiaque n'était plus incompatible avec la déclaration de la mort d'un être humain, ce qui pose tout de même quelques questions assez vertigineuses, aussi bien éthiques que biologiques, voire philosophiques. Mais sans plus attendre, avant de sauter à pieds joints dans notre sujet, je vous propose d'ouvrir notre nouvel épisode de Science Chrono avec l'archive sonore qui va guider notre discussion. Il s'agit d'un extrait de l'émission Les Progrès de la Vie, diffusé sur la RTF en 1963, avec pour titre La réanimation et les limites de la vie. On y entend un médecin agrégé de la faculté de médecine de Paris, chef du service de réanimation d'un grand hôpital parisien non précisé. Et ce médecin est resté anonyme à la demande du Conseil de l'Ordre des médecins. Les limites de la vie ont été abordées dans un article dont je crois vous avez connaissance, due à M. Mollaret, et j'emprunterai à cet article un passage, ou tout au moins la substance d'un passage, en disant que la mort s'effectuait par secteur. Il n'y avait pas simplement toujours une mort, celle qui est réalisée quand il y a un arrêt cardiaque, et par la suite, l'arrêt de toutes les fonctions vitales. Nous avons noté dans la pratique journalière d'un centre de réanimation, que la mort pouvait être par étapes fragmentaires. C'est ainsi qu'on peut avoir, dans ce que nous appelons le coma dépassé, la mort du cerveau, cependant que la fonction cardiaque continue, que les grands laboratoires de l'organisme fonctionnent encore, ceci pendant un certain temps. Donc, les limites de la vie et de la mort ont peut-être quelque peu perdu de leur précision. Autrement dit, au lieu d'un passage qui, il y a quelques années, était obligatoirement simple, l'arrêt cardiaque, l'arrêt de toutes les fonctions vitales, actuellement, on peut artificiellement maintenir un sujet en vie et on aboutit à cet état que certains organes cessent de vivre, par exemple le cerveau, alors que le cœur continue à fonctionner, la tension artérielle est maintenue à des chiffres quasi normaux, le foie assure son travail de laboratoire, ses fonctions s'éteindront les unes après les autres, on allonge les délais de la mort, mais on n'est pas à ce jour allé plus loin. Cependant, si dans un coma dépassé, les efforts sont poursuivis, efforts de réanimation, c'est que l'on peut avoir l'espoir que, un jour, l'intervention de la réanimation pourra s'opérer à un stade plus évolué qu'actuellement, et il n'est pas interdit de penser que, dans quelques mois ou quelques années, le coma actuellement dépassé pourra peut-être, du moins dans certaines circonstances, être réversible. Voilà, Milena Malio, une archive particulièrement riche en informations. Quelles informations vous retenez en premier lieu de ce son de 1963? Ce qui m'a vraiment marqué dans cette archive, c'est vraiment cette dernière phrase et cette possibilité qu'évoque le médecin que dans quelques années, voire dans quelques mois, le coma dépassé pourrait être réversible. Et cela est témoin d'une grande confiance à l'égard des mesures de réanimation. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire cette phrase de deux façons différentes. Je pense qu'on peut la lire en contexte et aussi de façon rétrospective. Si on la lit en contexte, on essaie de se mettre dans la peau de ce médecin, de ce chef de service, d'un service de réanimation, qui a vécu aussi l'apparition de mesures de réanimation et de ces mesures de réanimation qui ont mis en quelque sorte en crise celle qui était alors la définition traditionnelle de la mort, qui s'identifiait à la cessation du battement cardiaque. Oui, ça c'était la tradition admise depuis des millénaires. Oui, et les derniers souffles. Voilà, le dernier souffle, le cœur qui s'arrête de battre, c'était un... Voilà comment on définissait la mort comme un tout, à la fois médical et légal, et ça n'était pas contestable. Or là, comme vous le dites, les années 50, c'est un moment de grand développement des techniques de réanimation, de respiration artificielle, et ça vient complètement rebattre les cartes. Oui, et surtout les caractéristiques de la mort, celles qui ont considéré les caractéristiques propres de la mort, l'irréversibilité, ont été mises en cause parce que la réanimation a permis de réanimer, comme l'indique le nom même, de reporter à la vie. Et donc, c'est là déjà une des caractéristiques qui est mise en cause, et aussi le fait qu'à l'époque, on considérait la mort comme un événement instantané. Et on voit que ce qu'on fait, ces mesures de réanimation, font transformer la mort en un processus. Une durée. Oui, composée de différentes pertes, comme le rappellent ces médecins, de ces étapes fragmentaires, dont il devient complexe de reconnaître laquelle correspond à la mort de l'être humain. C'est ça la grande question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de comment définir la mort. Est-ce que c'est plus un instant, est-ce que c'est la perte de la fonction du cerveau, est-ce que c'est la perte de fonction de tous les organes, on va parler de cette fragmentation finalement du concept de mort qui a été provoqué par ces concepts qu'on va évoquer et définir ensemble de mort, de coma dépassé et de mort cérébrale. On peut peut-être rappeler aussi quelques éléments sur ce nom. Il a parlé de Mollaret, Pierre Mollaret, qui avec Maurice Goulon a publié un article en 1959 qui s'appelle « Le coma dépassé ». Qui étaient ces deux médecins, neurologues, infectiologues, et quelles étaient la question qu'ils se posaient dans ce cadre de réanimation hospitalière? Oui, faut savoir déjà, ces deux médecins venaient d'un des premiers services de réanimation. Donc déjà, c'était quelque chose de nouveau. Eux, ils avaient observé ces 23 cas, ces 23 situations de ces individus dans cet état, dans cette situation nouvelle. C'est comme à dépasser. Et donc cet article se limitait à décrire ces 23 situations, mais voulait aussi en même temps alerter la communauté scientifique de ce que les mesures de réanimation avaient causé. Et c'est pour ça, dans cet article, il parle de révélation. Une révélation parce que la survie est possible grâce à ces mesures de réanimation, mais aussi d'une rançon, parce qu'on se trouve confronté à cet individu qui finalement, dans la vie, se poursuit parce que soutenu la vie biologique est soutenue de façon artificielle, mais qu'ils ont irréversiblement perdu les fonctions cérébrales. Et il parle de rançon justement aussi, de la rançon de la gloire et de la difficulté aussi pour les familles à voir leurs proches plonger dans un état... à durée indéterminée, d'inconscience, et finalement, il ne parle pas encore de mort cérébrale, mais il pose ce terme de coma dépassé. Et ce qui est intéressant dans cet article qui paraît dans la revue neurologique, c'est qu'ils disent « soulignons nous-mêmes que ce terme n'est pas pleinement satisfaisant et que nous accepterons toute suggestion d'un terme meilleur ». Et ce qui a aussi d'étonnant, c'est qu'il rattache pas du tout ce constat clinique tout de suite à quelque chose qui va être crucial en matière de compréhension de la redéfinition de la mort et de la mort cérébrale, à la transplantation d'organes. Alors pourquoi est-ce que finalement ils s'en tiennent à ce pur constat? Eux, ils travaillent que sur l'aspect réanimation et c'est tout. Oui, parce qu'à l'époque, eux, c'était pas intéressé à ça. Aussi parce que il n'y avait pas eu tous les progrès de la médecine de greffe. Donc, il n'y avait pas eu tous les différentes techniques de greffe. Il faut compter que, par exemple, la première transplantation cardiaque, c'est en 1967. Et c'est de là qu'une nouvelle définition de la mort devient nécessaire. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de cette archive qu'on peut le lire aussi de façon rétrospective, parce qu'en 1968, cette école médicale d'Harvard identifie le coma dépassé à la mort cérébrale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le terme de coma dépassé qui était utilisé, mais celui de coma irréversible. Et là, on voit que l'espoir de notre médecin de l'archive est dessous, parce qu'on veut vraiment, par ce terme, souligner l'irréversibilité de cette condition. Alors là, on va très très vite, on va s'attarder un petit peu sur ces grandes étapes que vous avez évoquées, cette première transplantation cardiaque et cet article publié par le comité de l'école médicale de Harvard. Mais avant ça, on peut dire que Mollaret et Goulon finalement posent une espèce de définition d'une sorte de coma qui se situe entre la vie et la mort. Parlons de cette première transplantation cardiaque qui a lieu en 1967 en Afrique du Sud. Avec le cœur d'une patiente qui elle-même est en état de coma dépassé, le chirurgien cardiaque donc s'appelle Christian Barnard, il profite d'une espèce de zone d'ombre législative, parce que la loi rentre en compte là aussi dans la loi d'Afrique du Sud, pour prélever ce cœur battant et le greffer sur un patient qui est en attente de greffe. Pourquoi est-ce que ce moment-là marque un tournant dans l'histoire de la redéfinition de la mort telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un tournant parce que là, à la différence de l'époque de Molière et Goulin, c'était pas nécessaire de redéfinir la mort. Si on réfléchit dans la question des limites de vie, quelle était la question qu'on s'est posée? C'était plutôt la question de savoir s'il fallait ou pas interrompre la ventilation mécanique chez ces patients dans cet état de coma dépassé. C'était ça la question. Il n'y avait pas une nécessité de redéfinir la mort. Et pourquoi cette nécessité de définir la mort avec la première transplantation cardiaque? C'est parce que si la mort est définie comme mort cardiaque, donc prélever un cœur, ben, signifie nécessairement tuer les patients et tuer pour le bénéfice d'un autre. Donc, c'était pour éviter aux chirurgiens qui pratiquaient la transplantation d'être accusés d'homicide. Ouais, oui, responsable de la mort d'un patient. Moi, ce que je trouve symboliquement assez intéressant aussi, c'est de se dire que le siège de la vie passe du cœur au cerveau. Quelles conséquences ça a? Est-ce que c'est purement pragmatique, finalement, de se dire, bon, ben, on peut déclarer qu'une personne est morte alors que ses fonctions vitales, finalement, continuent de tourner d'une certaine façon et d'être alimentées? Alors, bien sûr, de façon artificielle, avec des respirateurs, etc. Mais quel regard vous portez sur ce transfert-là qui s'opère au milieu du XXe siècle? On peut dire qu'au début, c'était pragmatique pour cette médecine de transplantation, mais qu'en effet, ça a tout révolutionné aussi la pensée par rapport à qu'est-ce qu'on définit la vie. Et on pourrait dire que définir la mort est une question scientifique, on pourrait dire. Mais finalement, ce déplacement souligne que si on décide de déterminer la mort avant la mort biologique, signifie que nous sommes en train de faire un choix. Et ce choix est fondé sur une conception particulière de qu'est-ce que c'est la vie humaine et pourquoi on attribue une valeur à la vie humaine. Et la vie humaine, là, du coup, dans ce choix-là, c'est une vie humaine qui est basée sur la conscience, sur les interactions, sur la capacité aussi à être présent à un environnement. Donc ça, c'est intéressant. Venons-en maintenant à ce rapport de l'école médicale d'Harvard qui va poser ce grand concept de mort cérébrale. On le dit tout de suite, Milena Malio, ce rapport, c'est pas du tout une thèse de 500 pages, c'est 4 pages. 4 pages pour redéfinir la mort, c'est quand même pas énorme. Oui, c'est 4 pages, mais sont très claires du début sur les raisons de ces changements, de cette nouvelle définition. Et ils disent de façon très explicite, c'est parce que finalement, les mesures de réanimation créent ces situations et cela est une charge burden en anglais pour ces patients, pour les proches, pour les hôpitaux et pour tous les patients qui sont en attente d'un lit dans les hôpitaux. Et la deuxième raison, c'est que des critères obsolètes de définition de mort peuvent amener des controverses pour obtenir des organes pour les transplantations. Mm-hmm. Donc, ils sont très clairs dans cela. Et ce qui est étonnant dans ce court article de 5 pages, mais devenu très célèbre, c'est qu'il y a une seule référence. Et la référence est au discours du pape de Pie XII, de 1957. Et qu'est-ce que c'est ce discours? C'était un médecin, un anesthésiste autrichien qui avait posé des questions au pape déjà en 1957, pour savoir si on pouvait interrompre dans ces circonstances la ventilation mécanique. Le coma dépassé, du coup. Ouais. Oui, ouais. Mais ce n'était pas le terme, parce que c'était des ans plus tard. Et comment définir la mort? Et le pape répondait à la première question, disait finalement qu'il y a une distinction entre les traitements, les moyens de traitement ordinaire et les moyens de traitement extraordinaire. Donc l'ordinaire, on doit toujours les conserver, sont toujours obligatoires, tandis que les extraordinaires, on peut les interrompre. Et la ventilation mécanique est un moyen de traitement extraordinaire. Donc il donnait d'une certaine façon une orientation, hein. Il donnait une réponse sans dire il faut débrancher les patients. Oui, voilà. Mais il avait plus de courage de notre médecin et de Molière et Goulin, parce qu'eux finalement ne voulaient pas faire ces gestes, ont refusé de faire ces gestes. Et de l'autre côté, à la question de définir la mort, le pape disait il appartient au médecin. Là, donc, pour le coup, il botte en touche. Et, oui. Et donc, le comité d'Harvard citait c'est pas sage, parce que le convenait de dire qu'il appartenait à un médecin de définir la mort de la tumeur. Ça leur convenait d'être responsable finalement de la définition qu'ils allaient poser, et ils se plaçaient eux-mêmes finalement dans une forme de responsabilité que leur avait confiée une des plus grandes autorités religieuses connues. Alors ça, c'est intéressant, bien sûr, parce qu'on y reviendra à ce croisement entre morale, religion, éthique, biologie, quand il s'agit de redéfinir la mort. Mais concrètement, comment est reçu cet article du comité de Harvard? Est-ce qu'il fait un consensus assez majoritaire? Ah oui, très bien. Les premières années, jusqu'aux années 90, il y avait un consensus presque unanime sur les sujets. C'est rare, ça, dans l'histoire de la bioéthique. C'était considéré une conquête de la bioéthique. Mais cela n'a duré pas longtemps. Parce que certaines découvertes scientifiques ont montré que celle qui était considérée la justification théorique pour l'équivalence entre la mort de l'être humain et la mort cérébrale n'était plus valide. Mmh. Alors ça, c'est intéressant que vous parliez de ça et de ce consensus, parce qu'il y a comme une espèce d'âge d'or de ce concept de mort cérébrale entre la fin des années 60 et le début des années 90. Finalement, ce concept de mort cérébrale, il permettait d'accélérer, ou en tout cas d'améliorer l'accès aux organes pour des personnes en attente, et finalement de trancher de façon assez pratique une question éthique lourde pour les patients et pour les médecins. Oui, permettait de trancher la question de l'interruption de traitement, mais c'est que finalement évitait de se poser la question. Donc, oui, peut-être au lieu de redéfinir la mort, si aujourd'hui, si on se trouvait dans la même circonstance, peut-être au lieu de redéfinir la mort, c'était vraiment la question des arrêts de traitement qu'on devait se poser de façon explicite. Et c'est ce qu'on a fait par la suite avec d'autres situations médicales complexes. Mmh. Et alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que au fil des découvertes scientifiques, on s'est rendu compte que c'était finalement quasi impossible d'assurer la cessation irréversible d'un cerveau et de l'activité de toutes les fonctions d'un cerveau. Ça, c'est la science qui, avec des moyens d'analyse et d'imagerie plus perfectionnés, finalement, s'est rendu compte que on ne pouvait pas établir qu'un cerveau avait totalement cessé toutes ses fonctions de façon irréversible. Par ailleurs, il y avait aussi des sujets qui étaient déclarés en mort cérébrale, mais qui sont reliés à des appareils de maintien artificiel en vie qui survivent longtemps, qui grandissent quand ils sont petits, ou qui peuvent même des femmes peuvent mener des grossesses à terme alors qu'elles sont déclarées en état de mort cérébrale. Ça pose des questions totalement vertigineuses. Comment est-ce que les comités de bioéthique se sont emparés de ces cas-là pour re-questionner la notion de mort cérébrale? Est-ce qu'ils l'ont questionné, cette notion? Certains comités de bioéthique, oui, d'autres non. Par exemple, les comités américains sont revenus sur la question en disant effectivement que la justification qui avait avancé autrefois du cerveau comme l'organe intégrateur de l'organisme n'était plus valide. Donc, essayer de trouver une autre justification. Et sinon, les autres comités ne se sont pas forcément penchés sur la question. On parlait de consensus tout à l'heure, le fait que, voilà, internationalement, le concept de mort cérébrale se soit implanté. Il faut dire qu'il ne s'est pas implanté partout avec la même facilité. Je crois qu'au Japon, il a fallu attendre 1997 avant que ce concept de mort cérébrale soit admis, pour des raisons pour le coup religieuses, dans le shintoïsme, notamment, un cœur qui bat, c'est une personne en vie. Donc tant que le cœur bat, on ne peut pas déclarer une personne morte. Vous avez, Milena Malio, signé un article avec Vivien Garcia, il y a 10 ans, dans la revue Terrain, Anthropologie et Sciences Humaines, et vous dites la chose suivante dans cet article: l'idée que la mort cérébrale n'est rien d'autre qu'une fiction sémantique et juridique se développe peu à peu. On s'aperçoit progressivement qu'un débat éthique fondamental a été occulté par le discours scientifique et les pratiques médicales. Ce débat peut désormais s'épanouir. Alors on est 10 ans après cette phrase dans votre article. Est-ce que ce débat sur la mort cérébrale s'est épanoui? Est-ce que vous avez la sensation que on s'est posé la question de la mort cérébrale d'une façon plus éthique, philosophique que pratique et médicale? En tout cas, je pense qu'on s'est posé les questions qui étaient à la base de cette nouvelle définition. Et donc, effectivement, on s'est posé la question des arrêts de traitement et aussi de la possibilité de choisir du moment de sa propre mort. Donc, on ne l'a plus déterminé par une définition de la mort, mais en essayant de se poser les questions de façon différente. Et aujourd'hui, je trouve que aussi la question de la définition de la mort, on peut en parler de façon plus calme qu'autrefois. Parce qu'autrefois, mettre en cause la définition de la mort cérébrale signifiait être considéré comme... Anti-progrès, finalement. Et anti-greffe. Anti-greffe, c'est ça. Mm. C'est un peu les critiques qu'a reçues le philosophe Antionas, qui, lui, s'opposait justement à ce concept de mort cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce grand philosophe allemand, lui, contestait ce concept de mort cérébrale et, du coup, était affilié au groupe des anti-greffes? Oui, quand on a parlé effectivement du consensus, il y avait une voix à contre-courant, et c'est cet article que Jonas écrit quelques mois plus tard du rapport de Harvard, du comité d'Harvard, Against the Stream, et il considérait cette définition comme une fiction utilitaire, parce que il s'opposait à cette séparation du corps et du cerveau. Il considérait effectivement qu'il était impossible de tracer une ligne de démarcation nette entre la vie et la mort. Et lui disait, finalement, il faut s'intéresser à la définition de l'homme. Et qu'est-ce que c'est l'homme? C'est l'unité de son corps et de son cerveau. Et c'est pour cela que lui n'était pas contraire au fait qu'on interrompe le traitement. Au contraire, il disait ils sont mourants, mais ils ne sont pas morts. Il faut les laisser mourir, mais on ne peut pas prélever des organes parce qu'ils sont encore vivants. Et donc, ils ont un droit à l'inviolabilité. C'est vrai qu'il y a cette dimension, si on se place de son point de vue, on fait du corps humain une espèce de ferme à organes à partir du moment où il n'y a plus d'activité cérébrale, une espèce de réserve à organes où on peut venir piocher un rein, un foie, un poumon. Bon, c'est un peu glauque dit comme ça, mais c'était une inquiétude réelle qu'avait Antionas. Et il y a un autre élément hyper important dans ce que vous dites, c'est que finalement, la question qui se pose au fond, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie humaine? Quelles sont ses limites? Et ça, c'est quelque chose qui finalement n'a pas été trop questionné là, par les biologistes, par les médecins qui, eux, pensaient en termes pratiques surtout et en termes d'accès aux greffes. Oui, par les médecins, n'a pas vraiment été questionné, mais c'est plutôt un débat philosophique ou bioéthique, en tout cas, qui est né sur qu'est-ce que comment on définit cette vie et cette importance de s'intéresser à cette signification de la vie. Et je reviens sur le même sujet, sur la question de cette valeur de la vie. On a parlé tout à l'heure de redéfinir. J'ai employé depuis le début de l'émission l'expression redéfinir la mort, redéfinition de la mort. Est-ce qu'on l'a vraiment redéfini la mort, selon vous, premier point, ou bien est-ce qu'on a plutôt fragmenté ce concept en plusieurs approches, plusieurs regards, que l'on soit médecin, philosophe, prêtre, voilà. Je pense qu'on n'a pas redéfini la mort parce que c'est toujours, ça tient à cette difficulté de définir la vie. Quand on arrivera à définir la vie, on pourra aussi redéfinir la mort. Mais là, finalement, on choisit un diagnostic. C'est plutôt un diagnostic plutôt qu'une redéfinition de la mort ou de la vie. Alors, on a aussi dans l'actualité récente, selon les pays, il y a eu, je crois, si on prend ne serait-ce que la France, l'affaire Vincent Lambert, comment est-ce que cette affaire-là illustre exactement l'aspect insoluble de ce débat sur quelle est la limite entre la vie et la mort, et pourquoi est-ce que potentiellement on n'arrivera jamais à trancher ce débat-là? Oui, et là, cette situation de Vincent Lambert montre les limites de la définition de la mort cérébrale. C'est-à-dire que les problèmes que cette définition de la mort cérébrale voulait résoudre sont réémergés. Parce que la question de l'interruption des traitements, là, plutôt c'était la question de l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielle, on ne l'a pas résolu. Et donc, c'est en se posant les questions de façon ouverte, explicite, qu'on peut dépasser au-delà d'une définition de la mort. Comment est-ce qu'on peut aller justement au-delà de cette impasse relative dans laquelle se trouve la redéfinition de la mort cérébrale? Est-ce qu'il y a des éléments qui pour vous pourraient être apportés, qui pourraient nourrir ce concept-là, l'affiner, et du coup finalement parvenir enfin à une forme de redéfinition officielle de la mort? Je pense que c'est impossible, c'est vraiment des conceptions particulières de la vie, de chacun, de comment on considère la vie. Donc c'est plutôt compliqué et c'est pour cela, toute la question des directives anticipées, finalement, c'est comment les individus considèrent leur propre vie. Et d'ailleurs, il y a un philosophe aussi qui propose le fait qu'on puisse choisir les critères par lesquels être déclaré mort en fonction de ce qu'on considère, ce qui a sens dans sa propre vie. Et donc, il propose effectivement dans les formulaires du don d'organes, là, c'est un philosophe américain, aussi de choisir les critères par lesquels on veut être déclaré mort. Oui, parce qu'on peut aussi se dire, si moi je perds conscience demain et qu'on va me déclarer en état de mort cérébrale, on peut tout à fait signifier qu'il ne faudra pas s'acharner d'un point de vue de réanimation et de maintien dans une espèce d'état biologique de vie et tout de suite, immédiatement, proposer ces organes à des personnes qui en auraient besoin. De toute façon, c'est mort cérébrale, du moins en France, c'est la définition légale du décès. Donc là, c'est plutôt dans les cas de mort corticale. Il y a une proposition de redéfinir la mort comme mort corticale, donc comme la perte irréversible de capacité supérieure du cerveau. Mais là, cette définition a été refusée parce qu'il y avait un argument qui appelait l'argument de la répugnance. Donc, dire qu'on devrait enterrer des individus qui respirent de façon spontanée. Par exemple, le cas, l'affaire Vincent Lambert était en état végétatif, donc il respirait de façon naturelle. Et donc, selon ce qui propose cette définition de mort corticale, selon eux, il faudrait considérer mort ces individus. Et c'est là aussi, vous avez parlé de la mort légale par rapport à la mort médicale, c'est pas exactement la même chose. Et là aussi, on en revient à toute la complexité de ce concept de mort selon d'où on se place. Oui, c'est toute la difficulté. C'est pour cela qu'il y a aussi des tentatives d'uniformisation de critères de détermination de la mort. Et ce sont des tentatives qui sont assez récentes. C'est en 2020 qu'on a eu cette proposition de le bread death. Une proposition de loi pour redéfinir justement. Non, il y a eu une proposition d'uniformisation de critères. Oui. Et on oui, la voulait mondiale. Les critères ne sont pas les mêmes à l'échelle des pays. C'est pour cela, c'est parce que ça change. Donc on disait, mais finalement, si on doit déclarer la mort, déterminer la mort, selon les critères, selon la mort cérébrale, ben, il faut une uniformisation des critères. Il y a eu aux États-Unis cette tentative. Il y a eu en 2023 au Canada des recommandations pour cette détermination de la mort cérébrale. Cette émission touche déjà à sa fin. On n'aurait pas eu, voilà, on aurait eu une heure de plus. On n'aurait pas réussi beaucoup plus à redéfinir la mort, mais c'est en tout cas passionnant. Merci beaucoup, Milena Malio, de nous avoir guidés dans ces territoires à la frontière de la vie et de la mort. Il y a des millions d'années, il y a des millions d'années, quand le diable n'était pas né. Quand le diable n'était pas né, tous les hommes étaient... L'un d'entre eux inventa la mort par Gilbert Bécaud. Pour conclure cette émission, un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Ludovic Auger, aujourd'hui à la technique. On ne se battait pas pour elle, on ne se battait pas pour elle. Jusque-là, les hommes étaient forts, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la mort. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Car l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la mort. Alors lui, petit malin, devint le dieu, le souverain. Il régnait comme un vrai tyran. Sur la pluie et sur le beau temps, sur la pluie, sur le vent du nord, il avait inventé la mort. Il avait inventé la mort. Il avait inventé l'enfer, les voleurs, les assassins, la pneumonie et le cancer. La pneumonie et le cancer. La guerre et les conquistadors, il était vraiment le plus fort. Il avait inventé la mort. Il avait inventé la mort. Il restait quand même l'amour. Pour les hommes, c'était l'opium. Il s'aimait tant qu'il le pouvait. Il s'aimait tant qu'il le pouvait. Puis un jour, il se détestait. Et l'amour devenait la mort. Et l'amour devenait la mort. Et l'amour devenait la mort. Il mourait de n'importe quoi. De misère, d'un bobo au doigt. En marchant, volant ou nageant. En marchant, volant ou nageant. Dans un lit, dans un guet-apens, ils étaient condamnés à mort. Ils étaient condamnés à mort. Pour se concilier les faveurs de l'impitoyable seigneur, on brûla quelques inventeurs. On brûla quelques inventeurs. Des poètes et que sais-je encore. Mais la mort demeurait la mort, ouais. La mort demeurait la mort. De l'encens, des cierges et des fleurs, pour faire plaisir à leur seigneur. De l'encens, des cierges et des fleurs, pour faire plaisir à leur seigneur. Des credos, des confiteors, des patères et que sais-je encore. Mais la mort demeurait la mort. Mais la mort demeurait la mort. Alors les hommes se sont dit, que peut-on attendre de lui. Que peut-on attendre de lui. Il faudra travailler longtemps. Il faudra travailler longtemps. Peut-être pendant 100 000 ans. Peut-être plus longtemps encore. Peut-être plus longtemps encore. Alors, les hommes...